Mesdames, Messieurs, voici notre matinée classique donnée avec le concours de la troupe de la Comédie Française. Vous entendrez Cinna, une tragédie en cinq actes de Pierre Corneille, et la farce de Maître Patelin dans l'adaptation de Denis Dinès. Direction artistique, Jacques Régnier. Voici la présentation de Cinna par M. Neveu de Gas, secrétaire général de la Comédie Française. Corneille a 34 ans lorsqu'il fait jouer Cinna en 1640 à l'Hôtel du Marais. Après la querelle du Cid, 4 ans auparavant, il s'est retiré à Rouen, déçu et irrité. Cependant, il se remet peu à peu au travail. L'année 1639 est marquée pour lui par la mort de son père, puis par son mariage. C'est aussi celle où il met sur le chantier Horace, Cinna et Polyeucte. Ainsi abandonne-t-il l'Espagne pour le cadre de la Rome antique. Certes, Sainte-Beuve pourra écrire un jour de cette Rome de Corneille qu'elle est bien encore quelque peu castillane. Cependant, les contemporains du poète lui firent surtout mérite d'avoir su ressusciter pour eux cette grandeur impériale dont ils éprouvaient la nostalgie et dont certaines tragédies antérieures de Garnier, de Méret, de Scudéry nous disent l'attrait qu'elle exerçait. Nous savons que Cinna remporta d'emblée un éclatant succès et que l'œuvre demeura parmi les plus fréquemment affichées pendant les 20 années qui suivirent sa création. Elle n'a plus depuis quitté le répertoire. Si nous avons recueilli peu de détails sur les conditions dans lesquelles elle fut d'abord représentée, du moins divers écrits du temps témoignent-ils qu'elle fut sans retentissement. Les événements de la Fronde, les conjurations qui s'y firent jour, la lutte qu'exerça alors le pouvoir contre les divisions du royaume, donnèrent à la tragédie une actualité renforcée. L'on a remarqué en outre que si Cinna est une tragédie politique, du moins les passions de l'amour jouent-elles, dans son agencement, un rôle déterminant. Et l'on sait que c'était là, pour les spectateurs de l'époque, une condition essentielle du succès. N'oublions pas enfin qu'en ce temps, les règles qui devaient présider aux principaux genres littéraires étaient encore en train de se dégager. L'on discuta beaucoup de la façon dont Corneille les avait ici appliquées. L'on admira comment il avait su, à partir d'un passage de Sénèque que Montaigne avait transcrit dans ses essais, faire revivre une page de l'histoire romaine suppléante aux lacunes de la tradition par l'invention du dramaturge. « Aux endroits où Rome est de briques, vous la rebâtissez en marbre », lui disait Goethe de Balzac. Ainsi Corneille imaginait-il le personnage d'Émilie autour duquel allait s'articuler l'intrigue. L'on reconnut que l'unité du temps était respectée dans Cinna, mais l'on ne se tint pas pour assurer que l'unité d'action l'était aussi rigoureusement, et l'un des reproches adressés à Corneille, et que Voltaire devait reprendre à son compte, était de laisser le spectateur hésitant si Auguste ou Cinna était ici le héros. L'unité de lieu, Corneille lui-même a reconnu qu'elle devait s'entendre du palais de l'empereur, ou même de Rome tout entière, et non de tel endroit particulier. Ce qu'il dit dans son discours des trois unités, de ce lieu idéal où, selon lui, doit se dérouler la tragédie, est d'une conception très neuve et riche de prolongement, et l'un des plus récents commentateurs de Cinna, Charles Dullin, ne devait pas manquer de le relever. C'est Charles Dullin également qui voit dans la complexité des caractères de Cinna, de Maxime, d'Émilie même, une des raisons qui nous rendent l'œuvre attachante et chère, alors qu'elle avait déconcerté les théoriciens contemporains du poète. Ceux encore du XVIIIe siècle et tels professeurs du XIXe. Les grands acteurs, eux, ne s'y sont pas trompés et ont aimé à incarner ces personnages. On sait que Lequin et Talma y ont attaché leur gloire. À cette complexité, Dullin nous propose comme clé la jeunesse des trois conjurés s'opposant à la maturité d'Auguste. Mais le caractère même d'Auguste a donné matière à bien des interprétations. L'on s'est interrogé sur les motifs véritables de sa clémence. Grandeur d'âme authentique, victoire remportée sur soi par le tyran d'hier que son accession au pouvoir transforme et élève au-dessus de lui-même, ou au contraire, lassitude de souverain désabusé, voire ruse de subtile politique. Selon les circonstances historiques et la personnalité des commentateurs, de Saint-Evremond à Napoléon, de Voltaire à Schlegel, les réponses devaient être différentes. L'on discuta aussi de la vérité historique des événements et des personnages, de la position politique de Corneille, que l'on annexa tantôt à la cause républicaine, tantôt à la cause monarchique. En avons-nous assez dit pour marquer la diversité, la richesse de l'œuvre et pour rendre sensible ce qu'elle détient à la fois de valeurs générales et particulières, nous attachant à des êtres dont la destinée nous est à chaque instant proche et fraternelle, et soulevant en même temps pour nous des problèmes qui ne cessent pas d'être valables. André Gide note dans son journal

Il nous a trahis tous, mais ce qu'il a commis vous conserve innocent et me rend mes amis. Reprends auprès de moi ta place accoutumée. Rentre dans ton crédit et dans ta renommée. Que Forbes, de tous trois, ait sa grâce à son tour. Et que demain, l'hymen couronne leur amour. Si tu l'aimes encore, ce sera ton supplice. Je n'en murmure point. Il a trop de justice. Et je suis plus confus, Seigneur, de vos bontés, que je ne suis jaloux du bien que vous m'ôtez. Souffrez que ma vertu, dans mon cœur rappelée, vous consacre une foi lâchement violée. Mais si ferme à présent, si loin de chanceler, que la chute du ciel ne pourrait l'ébranler. Puisse le grand moteur des belles destinées, pour prolonger vos jours, retrancher nos années. Et moi, par un bonheur dont chacun soit jaloux, perdre pour vous 100 fois ce que je tiens de vous. Ce n'est pas tout, Seigneur. Une céleste flamme d'un rayon prophétique illumine mon âme. Oyez ce que les dieux vous font savoir par moi. De votre heureux destin, c'est l'immuable loi. Après cette action, vous n'avez rien à craindre. On portera le joug désormais sans se plaindre. Et les plus indomptés, renversant leurs projets, mettront toute leur gloire à mourir vos sujets. Aucun lâche dessein, aucune ingrate envie n'attaquera le cours d'une si belle vie. Jamais plus d'assassins ni de conspirateurs. Vous avez trouvé l'art d'être maître des cœurs. Rome, avec une joie insensible et profonde, se démet en vos mains de l'empire du monde, vous prépare déjà des temples, des autels, et le ciel, une place entre les immortels, et la postérité, dont toutes les provinces, donnera votre exemple au plus généreux prince. J'en accepte l'augure, et j'ose l'espérer. Ainsi, toujours les dieux vous daignent inspirer. Qu'on redouble demain les heureux sacrifices que nous leur offrirons sous de meilleurs auspices, et que vos conjurés entendent publier qu'Auguste a tout appris et veut tout oublier. Vous venez d'entendre Cinna, tragédie en 5 actes de Pierre Corneille, interprétée par la troupe de la Comédie-Française. Permettez-nous de vous en rappeler la distribution. Maurice Escande était Auguste, Paul Écoffard, Maxime, Louis Aymon, Euphorbe, André Falcon, Cinna, Bernard Noël, Évandre, Henriette Barrault, Livy, Louise Comte, Émilie, et Denise Noël, Fulvie. Voici maintenant la farce de Maître Patelin, adaptée par M. Denis Dinès. Sans autre prétention que de détendre les nerfs du public naïf, tout frissonnant des péripéties horrifiques de la Passion du Christ ou du Martyre des Saints Apôtres, la farce ne fut tout d'abord en France qu'un joyeux intermède, frère des Atellanes qui naquirent avec Rome. De ces canevas grossiers et primitifs se détache nettement la farce de Maître Patelin. Michelet salue en elle la première vraie comédie française et l'œuvre saillante du XVe siècle. La date précise de la création de Patelin, le nom de son auteur aussi, reste dans l'inconnu. Successivement, Villon, Guillaume de Loris, Jean de Main se sont vus accorder et reprendre cette mystérieuse paternité. Plusieurs désignent, mais hélas aussi gratuitement, semble-t-il, Pierre Blanchet, poète auteur de farces oubliées et pour qui fut écrite cette épitaphe. En son vivant, poète satirique, hardi sans lettres et fort joyeux compère. Théodore de Banville a donné, croyons-nous, la juste solution du problème quand il écrit avec sa divination de poète. Je pense qu'absolument parlant, personne n'a été l'auteur de la farce de Maître Patelin. Il en est de la farce comme de l'épopée. On est sûr de se tromper lorsqu'on se figure l'une ou l'autre. Iliade et chansons de Roland, ou farce de Maître Patelin, composée et écrite sur du papier avec une plume par un littérateur assis devant son bureau. Ce n'est pas ainsi que naissent ces œuvres mystérieuses et surnaturelles de la muse couronnée de laurier ou couronnée de raisin. Leur caractère principal est d'avoir un auteur collectif, le peuple, et de naître et grandir semé par le vent du ciel, comme les chênes des forêts et les églantiers sauvages. La farce, revanche et vengeance du pauvre et de l'oppressé, contre tous ses maîtres et tous ses tyrans, contre le seigneur, contre le marchand, contre le médecin, contre l'avocat, naît sous la forme d'une vive et sanglante épigramme. Puis, voltigeant sur les lèvres des hommes et sur les bouches des commères gauloises, s'étend, se développe, devient dialogue, puis scène, puis farce, en faisant toujours la boule de neige. Quand une farce est devenue si riche en belles inventions, en lazzi, qu'on craint que la tradition ne s'en perde, alors un poète, sorti du peuple, sert de secrétaire à l'imagination populaire et fixe ce qu'elle a trouvé. La farce de Maître Patelin développe allègrement ses trois petits actes fournis de scènes rapides, cocasses, pittoresques, au style comique, direct et dru. L'intrigue est trop connue pour qu'on s'y attarde. Patelin, avocat besogneux et passé maître espiperie, extorque 6 aunes de drap au marchand Guillaume. Ce dernier, ladre et peu délicat, devient la dupe de son berger Lagnolet qui lui tue et mange ses brebis. Assigné devant le juge, le pastoureau infidèle se tire d'affaire grâce au conseil de Patelin et, comme il est sous son air balourd, le plus madré compère de cette galerie de trompeurs, il mystifie son conseiller dont il acquitte en bellement les honoraires. Parmi les plus célèbres adaptations de cette farce, on compte celle de l'abbé Bruès, représentée avec succès en 1706. Malheureusement, Bruès en prend à son aise, substituant une prose médiocre à la versification originale, créant de nouveaux personnages et un surcroît d'intrigue qui alourdissent l'ouvrage sans ajouter à son intérêt. Plus récemment, en 1872, la Comédie française donna une adaptation plus fidèle de Fournier avec une éclatante distribution qui réunissait les noms de Gault, Leloir et Coquelin-Cadet. Lorsqu'en 1942, la pièce fut remontée par les comédiens français, nous nous sommes appliqués à en établir la version la plus claire et la plus proche du texte, tout au souci de conserver à l'œuvre le style, le rythme et le jargonnage si pittoresque de l'auteur médiéval. C'est cette version que vous allez entendre. Puisse-t-elle raviver parmi nos auditeurs le souvenir d'un aïeul lointain, par trop injustement oublié, annonciateur de la farce moliéresque et comme tel, à l'origine de toute une tradition du théâtre comique français qui devait aboutir un jour à Courteville, à Tristan Bernard et à Georges Feydeau. Voici quelle sera la distribution de la farce de Maître Patelin. Denis Dinès, Patelin. Maurice Chambreuil, le juge. Jacques Charon, Agnelet. Georges Chamarat, Guillaume. Et Maria Fromet, Guillemette. Devant la maison de Maître Patelin, il ravaud de sa robe qui en a grand besoin. Par Sainte Marie, Guillemette. Quelque grande peine que je mette à cabasser et ramasser. Nous ne pouvons rien avancer. Ah, le temps que j'avocassais. Par Notre-Dame, j'y comptais. Mais qu'il est loin, l'avocassage. Hélas, on ne vous tient plus sage. Chacun, jadis, vous demandait, en toute part où l'on plaidait. Nul, maintenant, ne vous appelle pour accommoder sa querelle. Et pourtant, il n'est au prétoire défendeur de sens plus notoire. Je sais même, avec notre prêtre, chanter au lutrin comme maître. Et de nouveau, ceci. Famine. Nos robes sont plus qu'étamines rapiécées et ne puissent savoir comment d'autres pourront avoir. Si je veux mon talent prouver, je saurais bien où en trouver des robes et des chaperons. À la misère échapperont et seront à flot tout à l'heure. En moins d'une heure, Dieu labeur. Ainsi, pour peu que je m'applique à mettre en œuvre ma pratique, on ne saura trouver mon père. Je le crois, car pour bien tromper, vous êtes un fin et droit maître. Grâce à Dieu qui me fit naître. Mais laissons la bocasserie et cessons cette baverie. Or, je veux aller à la foire. À la foire? Qui fait? Voir à la foire, gentille marchande. Vous déplairait-il qu'on marchande d'aune de drap ou fin lainage qui soit bon pour notre ménage? Nous n'avons robe qui rien vaille. Vous n'avez ni denier ni maille. Que ferez-vous? Vous le saurez, belle dame. Et si vous n'avez du drap pour nous deux largement, menteur, nommez-moi hardiment. Et quelle couleur vous semble belle? D'un gris vert, d'un drap de Bruxelles ou d'autre? Il me le faut savoir. Celui que vous pourrez avoir, qui emprunte ne choisit ni. Pour vous, 2 aunes et demie, et pour moi 3, voire bien 4. Oui, bien. Vous comptez sans rabattre. Qui diable vous les prêtera? Que vous en chaud qui ce sera, je les emprunterai vraiment à rendre au jour du jugement. Oui, tant, si l'on veut bien vous croire. Voir. N'oubliez pas de voir si vous trouvez Martin Garand. Rien n'oublierai. Pauvre marchand. À Dieu plaît s'il n'y voit goutte. Patelin se dirige vers la maison de Guillaume le Drapier. Guillaume est chez lui, sans nul doute. Ah, le voici. Par Sainte-Marie, entrons dans cette draperie. Dieu soit vôtre. Et vous donne joie. Comment vous va? Bien, vraiment, à votre bon commandement. Et vous? Par Saint-Pierre l'apôtre, comme celui qui est tout vôtre. Et donc, vous êtes bien aise. Voir, les marchands se devaient le croire, ne faut pas toujours à leur guise. Comment se porte marchandise? Gagne-t-on bien de quoi refaire? Là là, mes dieux, mon doux maître, a eu et a dit à bien souvent. Qu'il était homme savant, votre père, savant et sage. Vous lui ressemblez de visage, par Dieu, comme droit de peinture. Et si Dieu eut donc de créature, merci, que grand pardon lui fasse à l'âme. Amen. Par sa grâce, saignez-vous, vos sires. Il est un peu tard pour le dire, mais je suis ainsi gracieux. C'est être trop officieux, je suis bien debout. Allez-vous soirée. S'il vous plaît. vous ne saurez jamais, comme il disait merveille. Mais oncle ne vit des oreilles, du nez, de la bouche, des yeux, enfant qui ne ressemble à mieux à son père. Ouais. C'est lui craché, et jusqu'à son menton courbé. le bon prud'homme, et qui prêtait ses deniers à qui les voulait. Ce drap est doux. Il est bien fait. L'étoffe est belle. Je l'ai fait tirer des laines de mes bêtes. Quel bon ménager vous faites pour le chaland qu'il faut soigner. Que voulez-vous, doigt besogner qui veut vivre et soutenir paix. Ce drap-là est-il bien en laine? C'est un très beau drap de roi, aussi fort que cuir cordouin, je vous promets. Et bien drapé. Ah, vraiment, j'en suis attrapé. Je n'avais guère intention d'acheter du drap quand je vins. J'avais mis à part 80 écus pour retraire une rente. Mais vous en aurez 20 ou 30. Je le vois bien, car la couleur me plaît tant que sans des douleurs. Plus vois ce drap, plus il m'assotte. Il m'en faut avoir une cote, bref. Et à ma femme, de même. Le drap est fer comme crème. Vous en aurez si vous voulez, mais 10 ou 20 francs sont coulés bientôt. Une manteau. Oh bien, il convient d'aviser combien vous en voulez, premièrement. Tout est à vous dans ce moment. Je le sais, et vous dis merci. Voulez-vous de ce jaune-ci? Avant de savoir que coûtera la première aune, Dieu sera payé le premier. C'est raison. Et voici un denier. Il glisse un denier dans le tronc des pauvres. Ne faisons rien qui soit où Dieu ne se nomme. Par Dieu, vous êtes un bonhomme. Vous m'envoyez bien réjoui. Voulez-vous mon dernier mot? Oui. Chacune aune vous coûtera 24 sols. Point ne sera 24 sols, très sainte dame. Vous me la comptez sur mon âme. Donnez ce prix et vous l'aurez. C'est trop cher. vous ne savez comme le drap est enchéri. Très tout le bétail a péri cet hiver par grande froidure. 20 sols. Et je vous jure qu'il me coûte à la Madeleine 8 blancs par cette aune de laine. Quand avant, je l'avais pour 4. Par le sang vieux, sans plus débattre, puisqu'un s'y va, plus une marchande. Prenez l'aune. Je demande combien vous en faut-il avoir. Il est bien aisé à savoir. Quel lait a-t-il? Lait de Bruxelles. 3 aunes pour moi. Mais pour elle, elle est haute. 2,5. En tout 6 zones, ce n'est ni. Cela fait. Que je suis des autres. Il s'en faut d'une demi-aune pour faire les 6, justement. Je prends les 6 tout rondement. Il me faut aussi un chaperon. Prenez l'aune et nous honorons. Elles sont 6. Sans rien rabattre. Voyez. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Ventre Saint-Pierre Ricari. Honorez arrière. Noni. Dites plutôt combien monte tout. Nous le saurons bien. 6, 24 sols chacune. 9 francs tout net. Belle pécune. 6 écus. Ce n'est pas grande affaire. Voulez-vous point crédit me faire jusqu'à ce soir? Quand vous viendrez à mon logis, vous les prendrez à votre gré, or ou monnaie. Vraiment, je me détournerai grandement en allant par là. Oh, ne parlez pas de cela. Tant gagnez belle occasion de venir boire à la maison. Et pour que bien je vous festoie, je vous invite à manger l'oie quand son four ma femme rôtit. Par Dieu, cet homme m'a sauté. Soit, j'irai donc vous le porter. Portez mon drap, vous rigolez. Que me pèsera-t-il pas mal sur mon aisselle? Ne vous chaille, je pense qu'il est plus honnête que je le porte. Mal fait, m'envoie la Sainte Madeleine si je vous laisse cette peine. Je mets le drap dessous l'aisselle. Ceci me fera une belle boisson. Mais... ainsi, non, c'est très bien calé. Que vous serez bien régalé chez moi quand vous en sortirez. Mais au moins, vous me baillerez mon argent dès que j'y serai. What? Eh bien non, ne le ferez que n'ayez pris votre repas. Adieu, m'en vais tout de ce pas. Et ayez l'argent. Adieu, adieu. Rendez-vous tantôt au dit lieu et nous verrons bien. Je m'en vais. Et moi de même, allez devant. Ayez l'or. Oui. Sois-je pendu si tu l'as. Il ne l'a vendu à mon prix, ça a été au sien, mais il sera payé au mien. Pour avoir mon or en sa main, il doit faire plus de chemin qu'il n'y a jusqu'à Pamplune. Ils ne verront soleil ni lune, les écus qu'il me va bailler. Guillaume sait bien travailler. Il n'estime à toi marchandeur qui ne trouve plus fort vendeur. Ce trompeur-là est bien bec jaune, quand pour 20 et 4 sous l'aune, il pridera qu'il n'en vaut pas 20. Maître Patelin, dissimulant ses 6 aunes de drap, rentre chez lui et retrouve sa femme. En neige, suis-je un faux de bain? Et de quoi donc? De rien, en neige, je le disais bien que j'aurais du drap. Oh, par le péril de mon âme, d'où vous vient-il? Qui le paiera? Que vous en chaud, qui ce sera Saint-Jacques, il est déjà payé. Le marchand n'est pas dévoyé, qui me l'a vendu. Mais combien coûte-t-il donc? Je n'en dois rien, il est payé, qu'il ne vous chaille. Mais vous n'aviez denier ni maille, il est payé? En quel monnaie? Avec un denier que j'avois. Un seul denier, il me coûta. Bénédicité Maria, qui vous vendit ce drap? Guillaume, qu'on a su rappeler Jossôme, puisque vous le voulez savoir. Mais tout ce drap, comment l'avoir pour un denier? Et à quel jeu? Ce fut pour un denier à Dieu. Guillaume étant si rebelle. Oh, par Sainte Marie la Belle, je l'ai tourné, blasonné tant qu'il me l'a presque donné. Je lui disais, feu, votre père, que j'ai si bien connu naguère, fut si brave et tant alloué. Le vrai, c'est qu'il faut avouer qu'il est le fils d'une potraille. La plus rebelle vilaine qui soit, je crois, dans ce royaume. Ah, faisais-je l'ami Guillaume, que vous ressemblez bien de chair et de l'âme à votre bon père. Dieu sait ce que j'échafaudais, et à la fois entre l'ardeur de son cœur, de sa draperie, sans laisser voir la duperie. Enfin, je l'ai tant dorloté et caressé qu'il m'a prêté 6 aunes. Quoi? À jamais rendre? Oh, comme vous devez bien entendre, lui rendre, on lui rendra le diable. Je me recorde de la fable du corbeau qui était assis sur une croix de 5 à 6 toises de haut. Corbeau tenait un fromage qu'en bec avait. Un renard, voyant ce fromage, pensa en lui, comment l'aurais-je? Lors, il se mit sous le corbeau. Que tu as, fit-il, le corbeau, et le chant plein de mélodie. Le corbeau, par sa comédie, voyant son chant ainsi vanté, grand ouvrit le bec pour chanter. Et son fromage chute à terre. Et maître renard vous le sert à bonnes dents, et puis l'emporte. Vous fîtes de la même sorte en lui servant un beau langage, comme fit renard du fromage. C'était prendre la bonne voie. Il doit venir manger de l'oie. Oh, voici ce qu'il faudra faire. Quand pour son or il viendra braire, il sera bon que je me couche comme un malade sur ma couche. Et quand il criera, vous direz, parlez bas, et gémirez. Et s'il poursuit son incartade, las ferez-vous, il est malade, il se meurt depuis 6 semaines. Et s'il vous dit ce sont trudaines, oh, ce n'est pas l'instant de rigoler, et laissez-le-moi flageller, car il n'aura pas autre chose. C'est le but que je me propose. Par l'âme qui en moi repose, je ferai de cette manière. Mais pour cette méchante affaire, prenez garde qu'on vous reprenne. Craignez que justice vous peigne la moitié plus que l'autre fois. La paix, je sais ce que je fais. Faites-vous ainsi que je dis. Souvenez-vous du samedi pour Dieu qu'on vous piloria et que sur vous chacun cria pour renier votre tromperie. Oh, laissez cette baverie. Il faut que ce drap nous demeure. Je m'en vais coucher tout à l'heure et vous pleurez à chaudes larmes. Sur tous les points, tenons-nous fermes que de rien il ne s'aperçoit. Tandis que Patelin s'apprête à jouer sa comédie, Guillaume le drapier quitte sa demeure pour se rendre chez lui. Je crois qu'il est temps que je boive avant m'en aller. Non, ferai. Je dois boire et puis mangerai de l'oie par Saint-Matelin, chez maître Pierre Patelin. Tout en recevant mon pécune, je happerai plus d'une prune, sans débourser ni rien dépendre. J'y vais. Je ne puis plus rien vendre. Oh, maître Pierre! Oh, oh, mon bon sire, pour ce que vous voulez me dire, parlez plus bas. Dieu vous garde, dame. Oh, plus bas. Dites-moi, madame, où est-il? Là, où il doit être. Comment? C'est mal parlé, mon maître. Où est-il? Dieu seul, par sa grâce, le sait bien. Il garde la place où il est, le pauvre martyr. 11 semaines sans sortir. Le pauvre homme. Qui? Maître Pierre. Ouais, n'est-il pas venu me quaire 6 aunes de drap maintenant? Qui? Mais il en vient. Tout venant. Il n'y a pas la moitié d'un quart d'heure. Je dois rejoindre ma demeure, payez-moi sans plus flageoler. Ce n'est l'instant de rigoler. Il me faut 9 francs. Hélas, sire, chacun n'a pas si faim de rire comme vous. Ça pourra en finir, s'il vous plaît, faites-moi venir maître Pierre. Est-il pas chez lui? Mais comment serait-il sorti? Il est là, couché dans son lit, voilà au moins 11 semaines. Vous nous battez, belle Trudaine. Payez-moi. Quoi de vous serrer? Tant par vos cris, l'éveillerez. Ma femme! Haussez-moi le derrière! Oh, donnez les pieds, ma voix, rendez-moi la planche. Je l'entends par là. Ah, oh, méchante, quels sont ces gens noirs? Marmara, carinari, carinara. Amenez-les-moi, amenez. Là, comment vous vous démenez? Êtes-vous hors de votre chance? Tu ne vois pas ce que je sens, la seule voix. Le moine noir qui vole. Ah là, la méchante bestiole. Au chat, au chat. Oh, oh, comme il monte. Que seul, n'avez-vous pas honte? Il va porter, allez-vous-en. Il me faut 9 francs rendement, de bon gré, Saint-Pierre de Rome. Il agonise, le pauvre homme. Par la sangbleu, je ne vois comme cet accident lui est venu. Car il est aujourd'hui venu et avons marchandé ensemble. C'est bien lui, comme il me semble. Je ne sais qui, peut-être. Par Notre-Dame, mon doux maître, vous n'avez pas bonne mémoire. De ce pas, si me voulez croire, vous irez un peu reposer. Car bien des gens pourraient gloser que vous venez pour moi, sire. N'irait-on pas les médisants? Que la malmort me foudroie si je... Mais n'avez-vous point d'oie au feu? Voilà belle demande. L'oie, messire, n'est pas viande pour malade. Mangez de l'oie si le bon Dieu vous en octroie. Et chez vous, demeurez à l'aise. Je jurerais, ne vous déplaise, que c'était lui, certainement. Il a pris mon drap, sûrement. Il le mit dessous son aisselle. Par Sainte-Marie la Belle, à moins que je ne déraisonne, je ne donne drap à personne, ni en dormant, ni en veillant, voire à l'ami le plus vaillant. Ça, mon argent. C'est comme il crie. Ah, oh, ce n'est plus le temps que l'on rit. Il s'en va de sa pauvre tête. Jamais on ne vit telle tempête. Il pleure, il chante, et puis patrouille mille langages. Et par vous. Prenons-nous vessie pour lanterne. Oh, quel bailleur de baliverne. Or, sans lanterner, que je sois payé en or ou en monnaie de mon drap que vous avez pris. Eh bien, vous vous êtes mépris. Oh. Pourquoi si fort vous obstinez et criez comme un forcené? J'enrage et ne suis point malade. Ça, mon argent. L'estrapade, ventre de Dieu, Zandigone, Castricarifle, Resnodone, avez entendu, beaucoup j'ai? C'est un nom de Limousin, beau-frère de sa belle-tante. C'est ce qui fait qu'il se contente à jargonner limousinois. Bah, il s'enfuit en tapinois, avec mon drap sous son aisselle. Oh, où c'est mes ailes? Où que vous êtes crapoudagne? Allez, en arrière, merda! Bateau, je vais devenir prêtre, encore que le diable qui s'être. En cette vieille prêtrerie, faut-il donc le prêtrerie, alors qu'il doit causer sa messe? Hélas, l'heure s'apprête, il vit au dernier sacrement. Comment parle-t-il proprement, Picard? D'où vient-elle, cocardie? Sa mère était de Picardie, pour seul parle maintenant. D'où viens-tu, Corée Prénom? Plaie de Dieu, qu'est-ce qui s'attaque à mon achine? Est-ce une vache, une mousse ou un escargot? J'ai le bassin garbeau et tout le ventre de garbeau. Mais que diable est-ce qu'il barbouille, sainte dame? Comme il barbote et jabelote et barbolote, tant de mots qu'on n'y entend rien. Il ne parle donc pas chrétien. Sa grand-mère fut de Bretagne. Il se meurt, ceci nous lance. Et bona dies, id vobis, je commande que tes vobis, deo cat comme d'un homme, si c'est bona vid d'un homme. Tout en parlant comme il écume, voyez-vous pas comment il fume? À hautaine divinité s'en va sa pauvre humanité, et je demeure triste et lente. Il est bon que je m'en allasse avant qu'il ait sauté le pas. Je ne sais s'il ne voudrait pas vous dire en son trépassement quelques secrets plus privément. J'ai grand regret de l'aventure, pardonnez-moi. Et je vous jure, je croyais bien, Dieu est son âme, qu'il eût pris mon drap. Adieu, dame, pour lui qu'il me soit pardonné. Que le Benoît jour vous soit donné, ainsi qu'à moi, pauvre Dolente. Par Sainte Marie la Jante, je me tiens plus qu'ébaubli. Et c'est bien le diable et non lui qui prit mon drap pour me tenter, puisse-t-il, bénédicité, ne pas s'en prendre à ma personne. Et pour ce drap, je l'abandonne pour Dieu à celui qui l'a pris. Maître Guillaume rentre chez lui, tandis que nous retrouvons Patelin et sa femme. Oh, fils, comme il s'est bien mépris. Je l'ignore, le beau Guillaume. Je crois qu'il en tient pour son haut. Quel rêve il fera toucher cette nuit. Il est bien au chaud. Et vous avez très bien ouvré, car ainsi avons recouvré assez draps pour faire deux robes. Maître Patelin et Guillemette, sa femme, se réjouissent. Sur le chemin de sa maison, le drapier va rencontrer son berger, Agnelet. Quoi ? Faut-il que tu me dérobes tout mon drap, Pierre Patelin ? Par la maugrée Saint-Matelin, suis-je plus le roi des marchands ? Pour comble, les bergers des champs me cabassent, même le mien, à qui j'ai toujours fait du bien. Bon vêtre, monseigneur Doux. Ah, te voilà, truand merdou. Quel bon varlet, mais à rien faire. Ah, qu'il ne veuille vous déplaire. Je sais trop quel méchant huissier, comme un diable noir habillé, m'est venu faire long exorde, disant, mais je ne me recorde point très bien ce qu'il en peut être. Il m'a parlé de vous, mon maître. Mais ni entend, ni gros, ni grêle, il m'a brouillé tout pêle-mêle, de brebis et de clavelés, de marchandises prélevées, de tribunal et de boucher. Oui, je te veux faire emboucher devant le juge à ma requête. Jamais plus n'assommera bête, par ma foi, qu'il ne t'en souvienne. Tu me rendras, quoi qu'il advienne, mes six zones. Non, l'assommage de mes brebis et le dommage que tu m'as fait depuis 10 ans. Ne croyez pas les médisants, pour Dieu, que nous ne plaidions point. Ah, ton affaire est en bon point, et tout à l'heure, j'y pourvoirai. Que Dieu, sire, vous donne joie. Il faut donc que je me défende si je ne veux que l'on me pende. Agnelet se rend chez Maître Patelin. Dieu vous garde. Enfin, que te faut? Pour ne me point mettre en défaut, bon seigneur, vous me viendrez devant le juge et défendrez ma cause où je ne comprends rien. Mais je vous payerai très bien malgré que je suis mal vêtu. Oh, bien ça. Parle. Et qui es-tu? Ou demandeur ou défendeur? J'ai affaire à un quémandeur pour ses brebis, que bien gardais. Aussi vrai que je regardais qu'il me payait petitement. Dirais-je tout? Oui, sûrement. À son conseil, on doit tout dire. Mais la vérité est vraie, messire, c'est que je les ai assommés. Tant que plusieurs se sont pâmés maintes fois et sont chutes, mortes, bien que fussent saines et fortes. Et moi, je lui faisais entendre, afin qu'il ne m'en pût reprendre, qu'elle mourrait de la clavelée. Hey. Qu'aux autres ne soient plus mêlés, disait-il, cette brebis-là. Oui, da, disais-je. Mais cela se faisait d'une autre manière. Car je la mangeais tout entière, moi qui savais la maladie. Que voulez-vous que je vous dise? Un jour, épié, il m'a fait, et j'ai été pris sur le fait. Je sais bien qu'il a bonne cause, mais vous trouverez bien telle clause, s'il vous plaît, qu'il l'aura mauvaise. Et ça, dis-moi, serais-tu bien aise si l'on te renvoyait ta psoue? Je ne vous paierai point en sous, mais en bel or à la couronne. Alors ta cause sera bonne, mais entends-tu bien la côtelle? Comment est-ce que l'on t'appelle? Mon nom est Thibault Lagnelet. Et de combien d'agneaux de lait, Lagnelet, privas-tu ton maître? En ces 3 ans, il se peut être que j'en ai mangé plus de 30. En un an, ce sont 10 de rente. Penses-tu qu'on puisse trouver témoin par qui s'est fait prouver? Par tous les saints du paradis, pour un, il en trouvera 10. Cela nuit à ta plaiderie. il faut user de madrerie. Voici ce qui te conviendra. Si tu parles, on te prendra. Or, quand viendra ton jugement, à rien ne répond nullement. Sinon, mais à quoi qu'on te dit? Et s'il advient qu'on te maudit pour te moquer de la justice, en ferai-je alors il est nice? Dis, à moi-même, quelque chose que je te dis ou te propose ne me répond point autrement. Je le ferai bien proprement. Dites hardiment que j'affole si je prononce autre parole, or que vous m'avez appris. Le juge vient de 5 à 6 heures, où il l'est qu'environ. L'un après l'autre, nous viendrons afin qu'ensemble, on ne nous voit, ne prenons donc chacun notre voix, qu'on ne me croit ton avocat. Mais souviens-toi, moquin, moquette, de me payer bien largement. Vous le serez bien gentiment à votre mot. N'en faites doute. J'en tirerai coûte que coûte un écu ou deux pour ma peine. Il est 5 heures. Le juge va tenir audience. Brusquement, comme un diable qui sortirait de sa boîte, le juge apparaît. Le drapier va porter plainte contre Agnelet. Maître Patelin, qui s'est chargé de la défense du berger, arrive superbement vêtu de l'habit qu'il a taillé dans les 6 zones de drap. Dieu vous donne la bonne étrenne, messire, ce que votre cœur désire. Soyez le bienvenu, messire. Et vous couvrez. Ça, prenons place. Je suis bien là, sauf votre grâce. Sur ce, alors que l'on commence, s'il n'est rien, je lève audience. Ça, faudra-t-il que je me lève? Mon avocat vient, il achève certaines affaires qu'il faisait. Ah, c'est Guillaume, et s'il vous plaisait, nous pourrions peut-être l'attendre. Nenni, j'y ai lieu à entendre. Si votre parti est présente, expliquez-vous sans plus d'attente. N'êtes-vous pas le demandeur? Je le suis. Et le défendeur? Est-il ici présent en personne? Oui, voyez-le là qui ne sonne mot. Mon Dieu, c'est bien ce qu'il pense. Puisque vous êtes en présence, vous deux, faites votre demande. Voici donc ce que je demande, monseigneur. Il est vérité que pour Dieu et la charité, je l'ai nourri en son enfance. Et quand je vis qu'il eut puissance d'aller au champ, pour abréger, je le fis être mon berger et le mis à garder mes bêtes. Mais aussi vrai, comme vous êtes là assis, monseigneur le juge, il m'en a fait un tel déluge. N'était-il point chez vous loué? Au revoir, car si c'était joué à le tenir sans le louer. Comment ce Dieu désavoué, si ce n'est lui, sans nulle faute? Comme vous tenez la main haute. À vous, malheureux dents, maître Pierre. Oh, elles me font terrible guerre. Jamais je ne sentis telle rage. Je n'ose lever le visage. Mais pour Dieu, faites procéder. Avant, achevez de plaider. Si. Concluez, apertement. C'est Patelin, assurément. Par la croix où Dieu s'est tendit, c'est à vous à qui je vendis 6 zones de drap, maître Pierre. Qu'est-ce qu'il dit de drap? L'air. Il veut à sa cause venir et ne sait comment y advenir pour ne l'avoir pas bien appris. Moi, je pense que s'il ne m'a pris mon drap par la sanglante gorge. Comme le méchant homme forge de loin pour fournir son libellé, il veut dire, bon, il est bien rebelle, que son berger avait vendu la laine. Je l'ai entendu, dont fut fait le drap de ma robe pour mieux prouver qu'il le dérobe et qu'il lui accueillit la laine sur ses brebis. Mal semaine m'envoie Dieu si mon drap n'avait fait. Par le diable, vous bavez. Or, sur la voie, vous remettons, et revenons à ces moutons. Qu'en dit-il? Il en prit 6 aunes de 9 francs. Comme nos bédones, ou cornards, où pensez-vous être? Voyez-vous pas qu'il vous fait paître? Bien que bonhomme parsemine, il serait bon qu'on examine un peu plus sa partie adverse. Berger, bien ça que l'on converse. Il doit bien connaître son maître. Bien ça, dis. Mais que peut-être? Quelle bête là? Suis-je chèvre? Me parles-tu? Mais que la fièvre te prenne au col? Te moques-tu? Croyez qu'il est folle ou têtu, ou qu'il pensait contre ses bêtes? Or, je renie bien si vous n'êtes celui, nul autre, qui avait eu mon drap! Oh, mon Dieu, poursuivez, venez au fait. À mon propos, comment j'avais bagué 6 zones? Je veux dire, mes brebis. Je vous prie, messieurs, pardonnez-moi. Ce gentil maître, mon berger, quand il devait être au champ, il me dit que j'aurai 6 écus d'or quand je viendrai. Non, je dis, dès 3 ans, tant ça, mon berger me convenant ça, que loyalement me garderait mes brebis et ne m'y ferait ni dommage ni vilenie. Et puis maintenant, il me nie, et drap et argent, pleinement, oui, monseigneur, j'en fais serment. Ce Ribaud dérobait les laines de mes bêtes, et toute scène les faisait mourir et périr, par les assommer et périr de gros bâtons sur la cervelle. Quand mon drap fut sous son aisselle, il se mit aussitôt à courir, me disant que j'allais périr 6 écus d'or en sa maison. Il n'y a rime ni raison en tout ce que vous rafardez. Qui ceci ? D'entre l'ardé, puis d'un, puis d'autre, sommes tous par le sang vieux, je n'y vois goutte. Il brouille de bras, de brebis et babille à propos d'habits. En ce qu'il dit, rien ne se tient. Et je veux gager qu'il retient au berger son pauvre salaire. Par Dieu, vous devriez vous taire, car si les moutons ne savaient, tel que vieux, mon drap, vous l'avez. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, rien, monseigneur. Par mon serment, c'est l'ingénieur le plus trompeur. Je m'en tirerai, si je puis, et n'en parlerai plus devant vous, quoi qu'il advienne. Oui, bien. Mais qu'il vous en souvienne. Or, concluez, dans le moment. Ce berger ne peut nullement répondre aux faits que l'on expose s'il n'a du conseil. Et il n'ose ou il ne sait en demander. S'il vous plaisait me commander que je fusse à lui, j'y serais. Aidez pour lui. Je pensais que ce serait peine très grande pour plus d'acquis. Je le demande, et je n'en veux rien recevoir. Or, simplement, je veux pouvoir aider le pauvre à vous dire ce dont il ne sait vous instruire. Viens ça, mon ami. Oh là, par l'univers que Dieu créa, qu'est-ce bé ? Dis-moi ton affaire. Entends-tu tes brebis braire ? Je te parle pour ton profit. Et dis oui ou nani. Il est folle, sans aucun doute. Et plus folle est celui qui boude tel folle naturel en procès. Ah si, renvoyez-le à ses brebis, il est folle de nature. Lui, un folle ? Voyez l'enclouure ! Il est plus sage que vous n'êtes. Renvoyez-le garder ses bêtes. Il est folle, il faut la journée. Quoi ? Vous le feriez s'en aller, monseigneur, par ma conscience ? Si, imposez-lui silence. N'avez-vous honte de débattre à ce berger pour 3 ou 4 vieilles braviages de moutons qui ne valent pas 2 boutons ? Quel mouton ? À vous seul, je parle. Vous me rendrez mon drap. Un sale. Il ne veut pas ici de braire. Je demande... Faites-le faire. Et quand il aurait pris 12 de moutons en sanglantes étrennes sur son dos, vous avez gagné bien plus qu'il vous a chagriné, autant qu'il vous les a gardés. Regardez, si, regardez, je lui parle de draperie et il répond de bergerie. Mon drap, qu'en pensez-vous le rendre ? Oh, sire, le ferez-vous pendre. Ne soyez pas si rigoureux, ô pauvre berger douloureux, qui est aussi nu comme un ver. C'est du noir retourné au vert, bon monseigneur, je lui demande... Je l'absous de votre demande. Et pour toi, retourne à tes bêtes. Va-t'en, pauvre folle. Je t'ajourne. Plus jamais ici ne retourne. La cour t'absous. Entends-tu bien ? Dis, grand merci. Oh, je dis bien que c'est un pauvre folle. Autant va. Quoi ? Est-il juste qu'il s'en aille ? La peste de ces grands brailleurs. Aurélie, j'ai affaire ailleurs. Le juge, comme il est arrivé, disparaît. C'était vous, en propre personne, vous de vous, votre voix le sonne. Et ce ne peut être autrement. Moi de moi, ne le suis vraiment. Ils le sont là, c'est incartade. Ne vous quittez-je pas malade, ce tantôt ? Oh, n'en croyez rien. C'était vous, et je le sais bien. À coup sûr, vous êtes mépris. Ni aune, ni drap ne vous prie. Je veux voir chez vous si vous êtes. Et ne croirai plus votre tête ici, si je vous trouve là. Par Notre-Dame, c'est cela. Si j'y suis, vous le saurez bien. Et dis, Anglais. Viens, ça, viens. Ne dis plus bé, rien ne t'y force. Lui ai-je baillé, belle entorse ? T'es-je pas conseillé à point ? Bah ! Eh non, on ne t'entend point, plus n'est besoin de baverie. Paye-moi. Bah ! Elle se moquerie, ne crains rien, parle hardiment et paye-moi bien gentiment. Bah ! Si tu fais ainsi pour débattre, Dylan, ne m'en fais plus débattre. Bah ! parvieu, ai-je tant vécu qu'un berger, qu'un mouton vêtu, un vilain pagard me rigole? N'en aurais-je autre parole, ça paye moi sans plus attendre, ou maugre vieux, je te fais pendre. Je m'en vais quérir un sergent, j'en vois un venir, prie Dieu qu'il ne t'emprisonne. S'il me prend, je lui pardonne. Moi qui me croyais des trompeurs le plus fin parmi les meilleurs, une fois j'ai trouvé mon maître, et l'oison mène loin paître. La farce de Maître Patelin vient de vous être donnée avec la distribution suivante. Denis Guinness, Patelin, Maurice Chambreuil, le juge, Jacques Charon, Agnelet, Georges Chamara, Guillaume et Maria Fromet, Guillemette. Mesdames, messieurs, vous venez d'entendre notre matinée classique donnée avec le concours de la troupe de la Comédie Française. Vous avez entendu Cinna, tragédie en cinq actes de Pierre Corneille, et la farce de Maître Patelin, dont l'adaptation de Denis Guinness. Direction artistique, Jacques Régnier. Prise de son, Noël Barbé, assisté de Shérif Haït Mokhtar.